Voici donc la deuxième partie de la rencontre avec Frédéric Lordon, organisée à La Parole Errante par les éditions Libertalia le mardi 29 octobre 2019. Vous pourrez entendre à la fois une intervention des résidents du foyer Barra, expulsés le matin même, venus faire une prise de parole et une demande de soutien, suivie de la séance de questions et réponses entre le public et Frédéric Lordon, qui venait donc présenter son livre « Vivre sans, point d'interrogation, institution, police, argent » aux éditions La Fabrique. Il y a eu une expulsion ce matin à Montreuil. Et je propose de donner la parole aux camarades qui sont derrière. Ça va durer quelques minutes. Si on leur donne la parole à la fin, personne ne les écoutera. Donc ça vous laisse un peu de temps pour réfléchir aux questions. Notre idée, c'est de mettre fin à la discussion, au débat à 21h30. Ça nous laisse trois quarts d'heure de discussion derrière, encore d'échange avec la salle. Puis vous pourrez aller boire un coup, chercher le bouquin. C'est à vous. Bonjour. Moi, je suis venue avec des personnes du foyer. Puisqu'il y a eu une expulsion ce matin, dont vous avez déjà peut-être entendu parler à 4h du matin. Et ils sont toujours à la place du Général de Gaulle, actuellement sans solution d'hébergement. Et donc, ils sont venus pour vous expliquer, parce qu'ils le feront beaucoup mieux que moi, sur ce qui s'est passé et voilà, la suite. Il y a besoin de soutien. Bonsoir. Montreuil. Alors, nous sommes les membres de gens qui sont au foyer du Barra ici, Robespierre. Alors, le maire est venu nous voir l'an passé. Il a même passé la nuit avec nous dans la salle de manger là-bas. On a aménagé, voilà. Il dit il a un endroit qui va faire évacuer le foyer là-bas. Et qu'ils vont construire, casser et puis reconstruire le foyer. Après les travaux, ils vont revenir là-bas. Alors, on a dit, bon, voilà, nous, quand même, qui est là-bas, ce n'est pas tout le monde qui a le contrat avec le Qualia, qui est là-bas, qui a le chef de bail. Elle nous a dit, d'accord, faites une liste. Donc, je vais vous soutenir, vous allez partir là-bas. Même si le maire, on vous fait sortir là-bas, lui, le maire, il va nous aider de nous donner un autre endroit. Alors, et les résistants qui sont là-bas, qui ont le contrat avec le Qualia, et deux jours après, le Qualia est venu les tenir comme ça. Il dit, bon, voilà, si vous partez dans le projet avec le Qualia et le maire, et vous ne serez pas avec nous. Et le jour où le maire a préparé pour le départ, il est venu à 4h du matin avec deux bus de nous amener là-bas, dans le AFPAF, vous connaissez le centre de formation, qui est là où on vient de vous dire là. Alors, nous, on est là-bas. Deux mois après, ceux qui ont le contrat avec le Qualia nous ont retrouvés là-bas. Alors, le maire a fait une liste, il met tout dans le même panier, donc le Qualia va gérer avec lui. Alors, hier soir, ça s'est fait il y a un an. Hier soir, à 22h, on vient nous dire, voilà, demain, on serait expulsé. On ne croyait pas, ça a été une surprise, un casse-tête. Et à 4h du matin, on voit plus de 30 camions de CRS et des gendarmes qui sont devant la porte. On regarde les fenêtres comme ça, on les voit. Bon, ils croient qu'on va faire des résistances au machin. On a dit, non, non, non. Nous, on n'a pas squatté ni rien. On était Robespierre dans le foyer Barra. C'est le maire même qui avait nous chercher de nous amener ici. Et si vous voulez qu'on sorte, par exemple, on sort, mais il faut que le maire trouve une solution. Gentiment, on est sorti. Même nos bagages sont là-dedans. Et quand il y a une solution, on vient prendre nos bagages. On est sorti, on a traversé et paf, on est à côté en face. Et on est au nombre de 220 comme ça, hein, à peu près. Donc, jusque-là, il n'y a pas de solution. On est dehors, on passe la nuit comme ça. On n'a pas vu de mer, mais les pensées quand même sont venues, tourner. Et... Bon, voilà. On est à cette situation-là. Si on peut nous trouver une solution, nous aider, nous soutenir. Et voilà, c'est ce qu'on demande. Alors, voilà ce qui s'est passé. Tu peux parler ? Non, c'est bon. Je vous le passe. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Suleiman Samaki. En fait, je suis migrant à Paris ici. Donc, je suis venu à Paris pour demander l'asile, mais je n'ai pas pu trouver la solution pour l'asile. Donc, je suis réfugié dans un foyer qui s'appelle Foyer Barra. Donc, je suis avec des amis là-bas. En fait, je ne connais pas les situations. Mais en fait, j'habite avec mes frères là-bas. Donc, je viens de voir dans ce moment-là le foyer à AFPA. Donc, il nous a fait sortir dehors en pleine nuit, 4 heures du matin. Donc, jusqu'à maintenant, on est en face de foyer AFPA. Donc, nous, quand même, on a besoin de soutien pour trouver la solution. Parce que le froid est déjà commencé, on n'a pas de solution. Donc, on est en face là-bas, on dormait dans le froid. Sincèrement, on a besoin de aide. Vraiment. Donc, c'est pour cela, c'est sûr, on est là. Donc, merci. Oui, donc je rappelle que la mairie s'était quand même engagée à les reloger, à trouver des solutions et que ben finalement, ils ont quand même été expulsés. Pour le moment, il n'y a pas un seul élu qui a pris la parole pour quoi que ce soit. Donc ils n'ont pas tenu leur promesse, mais ça, il n'y a rien d'étonnant. Et voilà, du coup, ils se retrouvent là sans solution, alors même qu'il y a un an, c'est ça. La mairie leur avait fait des promesses de logement, de régularisation, etc. Donc, voilà. Oui, elle a su bien dire, voilà, ce que le maire nous avait promis depuis avant qu'on sorte de rue Barin, hein, c'est ce qui a été dit. Alors, ceux qui sont en situation irrégulière seront régularisés. Et il y en a qui sont... Ça nous fait bien, hein, parce qu'il y en a qui sont là il y a 17 ans, 20 ans, qui n'ont pas de papier, vous voyez. Et c'est vrai, il y a d'autres qui sont arrivés il n'y a pas 5 ans, 6 ans, d'accord. Mais par contre, ils viennent nous dire encore qu'ils ont pris un cabinet pour nous aider, mais en disant cas par cas. Alors, quels seront ces cas-là? Bon, voilà, ça fait tourner la tête aussi, vous voyez. Voilà. Bon, donc on vous remercie, on vous salue de nous tenir longtemps un peu. Bon, je vous remercie, voilà. On n'est pas habitué à la masse comme ça de parler. Je vous excuse. Merci à vous. Bonjour. On reprend. Qui veut poser la première question? On va en prendre 3 pour commencer. Les 3 premiers, désolé, ici. Parce qu'il y a d'autres, comme Gilet Noir, qui sont venus nous aider. Et si vous pouvez venir voir, c'est à 15 minutes d'ici. Hein, on vient là-bas. C'est en pleine rue. Là. Comment on appelle l'adresse là? C'est l'avenue Général de Gaulle. Oui, c'est la place. C'est la place, pardon. C'est la place Gérald de Gaulle. L'ancien centre de formation qui fait face à une école élémentaire. Bonsoir à tous, bonsoir Frédéric, moi c'est Sarah. Déjà tout d'abord je voulais vous remercier tous les deux pour cet échange, c'était vraiment très constructif et intéressant. Donc pour reprendre les termes spinozistes, cet échange augmente la puissance du désir de lire ce livre. Donc ce que vous rappelez dans ce livre, c'est qu'effectivement les structures du néolibéralisme, c'est l'enfer, et concrètement on ne le redira jamais assez, c'est l'enfer ce qui se passe dedans. Et donc du coup il y a de l'aliénation, de la soumission affective, de la colonisation des conatus, etc., etc. Concrètement il y a des forces qui tentent de se construire, des forces alternatives contestataires de l'ordre dominant qui essayent de se construire, mais bon, après, on va pas se mentir et se raconter des histoires, parce que ça peut être dangereux, comme vous venez de dire, faut pas se raconter des histoires. Et donc, concrètement, que ces forces soient associatives, politiques ou syndicales. Que ces forces ou ces puissances d'agir soient syndicales, politiques ou associatives, elles sont confrontées au fait que leur puissance d'affecter les masses est très faible. Parce qu'on ne va pas se mentir, ceux qui détiennent... c'est pas eux qui détiennent les moyens d'affecter en masse, ce sont les institutions du capitalisme néolibéral. Et donc moi, je voulais savoir quelles étaient les conditions sous lesquelles ils pouvaient voir leur puissance d'affecter les masses augmenter et par là être plus efficace au niveau politique. Oui, bonsoir, monsieur Lordon. Je vais essayer de faire rapidement parce que j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir posé une question. Si je vous suis bien, vous considérez qu'un gouvernement qui arriverait au pouvoir par la voie électorale avec un programme de rupture avec le néolibéralisme se verrait faire face à tout un festival médiatique, financier, pour contrer ses velléités? Dans ce cas, ma question, ce serait, est-ce que selon vous, il faut totalement exclure la possibilité d'une rupture avec le néolibéralisme par la voie électorale, ou est-ce qu'on peut imaginer un gouvernement qui arriverait en avançant un peu masqué? Enfin, moi, mon constat, c'est que dans les dernières décennies, on a eu des gouvernements néolibéraux qui sont arrivés au pouvoir relativement sans afficher clairement leurs intentions. On a un idéal type en France qui est Emmanuel Macron, qui n'a jamais dit qu'il voulait faire tout ce qu'il est en train de faire pendant sa campagne. Est-ce que pour vous, c'est possible par la voie électorale ou est-ce que c'est totalement à exclure? J'ai une question qui est un peu le corollaire de la question qui vient d'être posée à la première. C'est, tu parles très rapidement de la question de l'écologie. Tu passes rapidement en disant que ça ne te convainc pas beaucoup les questions de la collapsologie, etc. Mais dans une logique justement de vouloir bouleverser les désirs, les passions des individus pour arriver à à la fois un gouvernement de gauche véritablement et ce point L, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus fort et ce qu'il y a de plus puissant pour réussir à faire changer les mentalités, les pensées et produire ce changement de désir que justement cette perspective complètement eschatologique et de fin du monde due à l'écologie qui pourrait être la seule dans cette gigantomachie face au néolibéralisme, au capitalisme? Je vais poser moi-même la question zéro, qui est la question préjudicielle à toute question. Et alors c'est à vous que je la pose. Hein. Quelqu'un est venu là et me dire ce qui ne manque pas de sens, que c'est sublunaire d'être ici à discuter et qu'il y aurait la possibilité d'un transport en masse sur les lieux là. Alors moi je suis pas organisateur de la soirée, donc je m'en remets aux autorités. On continue à parler, mais là-bas. La police de la soirée, c'est ça, au chef. La police de la soirée pense qu'on peut discuter une demi-heure, 40 minutes, puis se rendre sur les lieux. Non, sinon on peut discuter là-bas, c'est bien. Maintenant vous êtes tous. On a donné la parole aux camarades. qu'on soit un certain nombre à les écouter, qu'on les écoute vraiment, qu'on ne se lève pas tous à la fin de la discussion pour rentrer chez nous. Ce que je propose, c'est qu'on poursuive la discussion, qu'on réponde aux quelques questions et qu'on parte ensemble là-bas après. Ça décale d'une demi-heure, hein, ils ont été expulsés ce matin. Voilà. Alors, je pense que la rupture avec le néolibéralisme n'est plus un thème d'actualité. En effet, c'est plus à... Ça ne fait plus un agenda politique pertinent. Encore une fois, rompre avec le néolibéralisme, ça peut signifier entrer dans une autre configuration du capitalisme, n'est-ce pas ? Rompre avec le néolibéralisme, c'est une chose. Rompre avec le capitalisme, c'en est une autre. Rompre avec le néolibéralisme, c'est rompre avec une configuration historique particulière du capitalisme. Et moi, je pense qu'il n'y a plus l'espace pour ça. Je pense qu'il n'y a plus l'espace pour ça pour des raisons qui tiennent à ce que j'ai appelé le déplacement de la position psychique du capital en longue période. En 30 ans, le capital, c'est-à-dire les capitalistes, ont pris un certain pli. Ils ont pris le pli de la conquête comme dans du beurre, où tout ce qu'ils revendiquent leur est accordé, et même davantage encore. Quand on a goûté à ça, on n'en revient pas si facilement. Et eux, ils n'en reviendront pas. Ils n'en reviendront pas. Donc, un agenda social-démocrate, ça serait quelque chose... Alors, c'est pas, évidemment, ce n'est pas du tout des choses qu'on peut avoir en tête, parce que l'histoire ne repasse pas les plats, hein, et on ne rembobine pas le fil du temps. Mais, formellement parlant, revenir à une situation de rééquilibrage, de moindre déséquilibre du rapport capital-travail tel que nous l'avions à l'époque fordienne, c'est quelque chose qui ne serait même plus admissible pour le capital. Même plus admissible. Lors de la conquête de. Lors de la campagne électorale de 2017, je rappelle qu'au mois d'avril, lorsque on s'est dit, ah, peut-être Mélenchon pourrait passer le premier tour, se retrouver face à Le Pen, etc., il s'est passé des choses étranges, hein, enfin pas du tout étranges en réalité, dans la sphère financière. On a vu l'écart des taux d'intérêt français avec le taux allemand, qui est la base des taux d'intérêt, se creuser. Bon, et puis alors, Macron était quand même solidement installé devant, donc tout ça s'est calmé, s'est rentré dans l'ordre, etc. Mais imaginez que l'hypothèse électorale d'un Mélenchon au pouvoir prennent réellement consistance, là, la tempête financière serait monumentale, avec des ouvertures de taux d'intérêt du niveau de ce qui a été connu en Grèce, avant même que le malheureux n'arrive au pouvoir. Donc je pense que ces options-là sont des non-starters, hein, comme on dit en bon français. Ça n'existe plus. Voilà. De telle sorte que l'alternative devient extraordinairement tranchée entre, d'une part, le statu quo, qui n'est d'ailleurs pas un statu quo, mais une trajectoire d'approfondissement et d'aggravation continue, et d'autre part, la rupture, non pas avec une configuration du capitalisme, mais avec le capitalisme tout court. Alors ça durcit sensiblement les termes de l'épreuve. Quant à avancée masquée, je n'y crois pas beaucoup non plus. Enfin, par définition, la campagne électorale est un exercice de publicité, donc on peut dissimuler jusqu'à un certain degré, mais pas tout, et même le peu qu'on consentirait à laisser public serait encore suffisamment inquiétant pour les puissances du capital pour qu'elles déchaînent ce qu'elles savent déchaîner. Alors, sur la question de l'écologie, oui, j'en parle peu, mais effectivement, bon, je vois bien, hein, là, moi aussi, comme tout le monde, qu'il y a un affect levier là qui est peut-être en train de se former. Et alors, c'est très très progressif, hein, tout de même. Hein. Bon, il faudrait discuter de tout ce qui s'est passé avec Extinction Rébellion, par exemple. Vous voyez, mais. Quand même, il y a un petit quelque chose qui prend. Et moi, ce que je crois, c'est que la manière d'exploiter cette chose qui est en train de faire gentiment sa pelote, c'est d'appeler les gens à la conséquence. En leur mettant sous le nez un syllogisme, en fait, un raisonnement assez simple, auxquelles, en réalité, on ne peut que se rendre, sauf perturbation passionnelle extrinsèque, qui est c'est le capitalisme qui détruit la planète. Par conséquent, si on veut se garder un peu une planète, un truc dans ce goût-là, il faut en finir avec le capitalisme. Et il faut amener les gens à ce degré de conséquence-là. Tous les faux fuyants seront déployés pour éviter la conclusion logique, mais on peut entreprendre de les fermer les uns après les autres pour que la chose même finisse par s'imposer. Voilà. Donc effectivement, moi, j'ai des mots dans le livre assez durs pour ceux qui s'éveillent tout d'un coup à la politique exclusivement par la question de la planète et à qui le massacre des classes ouvrières et populaires n'avait pas tiré le moindre battement de cils. Donc je trouve ça dégueulasse. Et puis je me reprends et la position réaliste recouvre ses droits. Et bon, il y a ça qui est en train de se former. C'est une ressource, faisons avec. Merci, bonsoir à tous, bonsoir. Monsieur, je ne suis pas une très grande cultivée de révolution, mais bon, j'ai quelque chose qui est contemporain, qui me prend la tête. Par exemple, Mark Zuckerberg, qui est quand même le représentant d'une évolution capitaliste, propose une monnaie libre qui s'appelle Libra, la même racine que liberté. Et quand il est interviewé par le Congrès, qu'il accuse d'avoir fait voter Trump, alors que pour moi c'est une guerre, les élections, et Trump l'a gagné avec soi-disant l'aide de Facebook, mais non, je veux dire, il y a une stratégie. Et maintenant les démocrates l'accusent d'avoir fait élire, veulent qu'il arrête les fake news, etc., comme un État communiste. Hein, la petite jeune démocrate là, qui a taclé... Mark Zuckerberg au Congrès sur cette question en disant « Mais quand allez-vous effacer les fake news ?» Et Mark Zuckerberg a répondu « Mais j'attends que les gens jugent de par eux-mêmes. Moi, je suis un réseau social, je ne suis pas une censure. » Que pensez-vous de ce problème? Donc un grand capitaliste qui propose une monnaie libre et une démocrate qui a des idées communistes pour lutter contre ça. Bonjour, M. Lordon. Moi, j'avais une question par rapport au surgissement des faits institutionnels. Et je voulais savoir si, selon vous, les mouvements de masse qu'on voit actuellement en Algérie ou au Liban et qui ont poussé à la démission du gouvernement et qui, par exemple, en Algérie, il y a un fait qui s'est institué que tous les vendredis, les gens allaient marcher. Au Liban, il y a eu ce même genre de choses. Donc est-ce que, en fait, la question que je vous posais, c'est pour vous, comment le fait institutionnel il surgit? Est-ce que c'est spontané? Et est-ce que ce qui se passe actuellement, également au Chili ou ailleurs, est-ce que ça peut créer justement une force par la différence par rapport au néolibéralisme mondialisé, quoi? Bonjour. Alors, je voudrais essayer de contester votre définition des institutions. Donc, si j'ai bien compris, les institutions sont la puissance du collectif, le pouvoir de la multitude, et donc qui reprend l'idée de la Boétie, sans laquelle finalement les pieds du tyran qui nous frappent sont nos propres pieds. Et je trouve que c'est une définition qui est très instructive dans certains exemples. Par exemple, dans l'exemple des révolutions arabes qui vient d'être cité, effectivement, cette idée qu'en Tunisie, si un certain nombre de millions de personnes vont dans la rue et disent « Ben Ali n'est plus notre président », bah, effectivement, Ben Ali n'est plus notre président. Aujourd'hui, au Liban, un million de personnes pendant 12 jours dans la rue qui disent « Saad Hariri n'est plus notre Premier ministre ». Il n'est plus notre Premier ministre. Donc je trouve que votre définition, elle marche dans certains cas, mais je voudrais vous soumettre des contre-exemples et des cas en fait, où votre définition, selon moi, ne fonctionne pas. Et c'est dans le cas, par exemple, où des institutions sont imposées par un pouvoir colonial, par un pouvoir étranger. Par exemple, lorsque les institutions états-uniennes s'imposent sur le continent américain, eh ben, elles ne sont pas l'émanation du collectif des gens qui vivent ici, puisque tout simplement ces gens sont exterminés quand ils ne sont pas d'accord. Lorsque les institutions israéliennes s'imposent en Palestine, en fait le collectif humain qui est là, ce n'est pas de lui qu'émanent ces institutions-là, puisqu'il est expulsé ou exterminé. Donc en fait il y a certains cas et certains contre-exemples dans lesquels on a des institutions qui sont là et qui ne sont pas du tout l'émanation du collectif et qui peuvent même qui sont programmées pour survivre même si le collectif est éliminé. Et donc du coup comment fait-on pour distinguer entre c'est les institutions qui seront plutôt des institutions qui sont critiquables et contestables dans des modèles nationaux dans lesquels en fait le collectif peut réussir à les démettre s'il est suffisamment nombreux à se mobiliser, et d'autres cas on a des institutions qui sont imposées de l'extérieur et pour lesquelles le collectif n'a pas prise. Et du coup il y a aussi une deuxième question en fait qui est liée, même si c'est un exemple différent. Est-ce que nous, ce que nous vivons actuellement dans les sociétés européennes avec la constitution de l'Union européenne, c'est pas la construction là dans un registre différent d'institutions qui n'ont aucun rapport avec la puissance du collectif? C'est-à-dire que le collectif peut dire non, on peut voter non, non, non, on ne veut pas de l'Union européenne, on ne reconnaît pas. C'est pas grave, ça continue quand même à tourner. Et du coup, on ne voit pas trop ce qu'on peut faire face à des institutions dont on a l'impression qu'elles ont été programmées pour que quoi qu'on fasse, un peu comme vous avez dit tout à l'heure, même si on arrive à faire une révolution, même si on arrive au gouvernement, bah, on se rend compte que de toute façon, le vrai pouvoir n'est plus là. On ne dispose plus de notre monnaie, ça vous l'avez longuement et brillamment expliqué sur l'euro. On n'a pas le contrôle des marchés financiers. Et donc on a l'impression que nos dirigeants ont un coup d'avance sur nous parce qu'ils ont réussi à créer des institutions qui, dans une large mesure, en fait, échappent totalement à la puissance, à notre puissance d'agir et à notre puissance de multitude, même quand on se mobilise. Merci. Oui, oui, oui. Alors, c'est vraiment une question, je ne sais pas dans quel ordre les prendre. Alors, Zuckerberg et le Libra, oui, alors... Je me reproche un coup de paresse parce que j'aurais voulu écrire sur le Libra avant l'été. Et le titre, ça aurait été « Le Libra n'existera pas ». Enfin, voilà. L'alternative du Libra, c'est soit d'être l'équivalent des jetons dans le Club Med d'il y a longtemps, avec lesquels on allait à la buvette, soit de ne pas exister. C'est-à-dire, soit c'est un système de paiement et on convertit des devises dans cette nouvelle unité, puis on paye des trucs avec sur Internet, on s'achète des trucs entre copains de Facebook, etc. Bon, mais ça, c'est pas une monnaie. Vous voyez, c'est vraiment la forme la plus rudimentaire de la monnaie. Mais une vraie monnaie, c'est quelque chose qui est organisé autour d'une règle d'émission. Il faut des règles qui organisent l'émission de la monnaie. Mais ça, jamais les banques centrales ne laisseront contester leur monopole de l'émission par une couillonnade de Mark Zuckerberg. Jamais. Bon, donc rassurez-vous, le Libra restera... Enfin, rassurez-vous, je ne sais pas si vous étiez inquiète. Hein, le Libra restera un truc, à mon avis, totalement anecdotique. J'en viens... Je vais prendre dans le désordre, parce que votre troisième question, c'est une question évidemment fondamentale. Je vais... C'est une question très très complexe en réalité. Alors, vous confondez fait institutionnel et consentement. Mais c'est deux choses très différentes. Très différentes. L'établissement d'une institution ne requiert pas le consentement de ses sujets. Elle peut vivre très bien avec leurs dissentiments. Donc il y a toute une discussion à avoir sur ce que c'est que la légitimité. C'est une catégorie qui est extrêmement problématique. Les institutions, c'est une capture de la puissance de la multitude, une capture. Alexandre Matron dit la chose d'une manière qui est tout à fait éclairante en distinguant pouvoir et puissance. Il dit le pouvoir, et il entend le pouvoir politique, c'est-à-dire l'atos insu, le pouvoir institutionnel, le pouvoir est la confiscation de la puissance des sujets. La confiscation, c'est une phrase très très forte, hein. c'est exactement ça. Alors, on sait très bien qu'il y a des pouvoirs qui survivent au défaut de consentement radical de leur sujet. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la viabilité des institutions, c'est une certaine balance d'affect. C'est un certain rapport de puissance, dit Spinoza, entre le souverain et ses sujets. Entre le souverain au sens large du terme, hein, une institution, c'est une forme de souveraineté. Voilà. Bon, tant que... il ne s'est pas manifesté du côté des sujets des affects suffisamment puissants pour les déterminer à une action concrète de renversement des institutions, les institutions durent, c'est une tautologie. Et la légitimité, en définitive, ça n'est pas autre chose. D'ailleurs, c'est une catégorie dont il faudrait se passer. Alors que des institutions fassent violence à des hommes, mais enfin, c'est connu comme toute l'histoire de l'humanité, cette chose-là, à peu de choses près. Vous voyez ? Donc c'est vraiment... oui, c'est ça l'effet de la confiscation. Mais le souverain, dit Spinoza, dure si par la puissance il l'emporte sur ses sujets. Et la puissance par laquelle le souverain dure, laquelle est-ce ? C'est celle de ses sujets même, mais pas forcément une puissance manifestée sous la forme d'affect joyeux, de consentement, d'approbation, etc. Il suffit que des affects tristes ou des affects colériques suffisamment intenses ne se soient pas encore formés pour que l'institution dure. Et c'est la seule chose qui compte, n'est-ce pas ? Donc ça sert à rien de dire qu'un pouvoir est illégitime d'une certaine manière. C'est une erreur conceptuelle. Ce qui compte, c'est de connaître exactement les données de puissance qui le font persévérer ou qui permettront de le renverser. Et c'est tout. Voilà. Alors maintenant, sur ce qui se passe en Algérie, au Liban, au Chili, etc., moi, je ne suis pas assez savant pour vous, répondre. Hein. Est-ce que c'est un effet de résonance, simplement, ou est-ce qu'il y a une détermination transversale qui court, là, au travers de conjonctures qui sont tout de même très particulières les unes et les autres ? Je suis incapable de vous répondre. Ce qui est absolument clair, là, en tout cas, c'est que aussi bien au Chili qu'en Équateur, on sait ce qui était l'objet de la colère et de la révolte. Effectivement, c'était le néolibéralisme. Alors, bah oui, bien sûr, s'il se passe quelque chose au Chili, s'il y a un ébranlement suffisamment puissant pour que le pouvoir politique, qui est l'instrument contemporain du néolibéralisme, saute, forcément, ça produira des effets. Des effets d'émulation. C'est tout, hein. C'est tout. Après, on verra bien ce que ça fera dans les autres pays qui observent ça, qui ont ces idées vaguement en tête. Est-ce que ça va les travailler au point de passer à l'action ou pas, etc. Tout ça est entièrement contingent. On ne peut rien en dire. Bon, maintenant, il est clair qu'il y a, comme qui dirait, une ambiance internationale, n'est-ce pas ? Je veux dire, on n'arrête pas de voir en tous sens des images de rues en flammes. Ce qui est quand même très encourageant, somme toute. J'ai deux questions. Pardon, je n'ai pas lu ce livre encore. J'ai lu Marx et Spinoza, Capitalisme et désir. Bon, bref, peu importe. Mes deux questions sont celles-ci. Pourquoi est-ce que tu parles de collectif plutôt que de... Pourquoi est-ce que tu parles de collectif plutôt que de multitude ? Je ne suis pas négriste, d'accord ? Ok. Même si Alexandre Matron avait écrit une belle préface à l'anomalie sauvage en 1981, avec Gilles Deleuze et l'autre. Et ma deuxième question, c'est... où est-ce que Spinoza parle de institution, à part dans le traité théologico-politique, mais il ne parle pas d'institution dans le traité théologico-politique. Il parle de la formation de la théocratie, de l'État d'Israël, etc. Mais il ne parle pas de institution. Je ne sais pas où est le mot institution chez Spinoza, et apparemment c'est important pour toi. Bonsoir. Alors moi j'ai deux défauts. Je n'ai pas lu encore votre livre et je suis étudiant en école de commerce. Et ça fait quelques moments que je suis vos publications, vos vidéos, etc. Et j'ai une petite question en fait qui me taraude. En école de commerce, les personnes qui se disent de gauche parle beaucoup d'entrepreneuriat social, d'économie sociale et solidaire. Et moi, personnellement, je n'y crois pas, et je cherche des arguments pour leur répondre. Et donc, je voulais vous poser la question. Quelle est votre position par rapport à l'entrepreneuriat social ? Bonsoir. Moi, j'ai une question qui est en lien avec un sujet dont on parle beaucoup, qui est le Rojava. À titre personnel, je crois vraiment pas. Je crois vraiment pas que le Rojava soit un exemple en quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien qu'on approfondisse peut-être la réflexion. Vous entendez mieux ? Parfait. Donc, sur la question du Rojava notamment, je pense qu'il y a une question qui est implicite et qui se pose, et étant donné que vous avez fait votre livre sous la forme de dialogue, il me semble, avec Félix, Bojo et Wang GEP, je me demandais ce que vous faisiez dans vos analyses de la question de la race, dans la mesure où il me semblait que, dans une certaine mesure, le Rojava, en fait, pouvait plaire, mais d'un point de vue qui resterait eurocentrique, notamment dans la mesure où il fait droit aux droits de la femme, dévoilé, contre l'islam politique, enfin ce genre de choses, vous voyez. Donc je me demandais enfin, quelle place vous faisiez à la race dans votre analyse, et dans une analyse notamment qui serait anticapitaliste. Pour citer nos analyses, je sais que très souvent on a tendance à considérer que la race en fait s'est constituée en tant qu'objet social, que catégorie sociale, en même temps que se mettait en place le capital, la modernité, et ainsi de suite, la mondialisation. Donc je me demandais quelle place vous faisiez à cela dans votre analyse. J'ai été assez content que tu parles de sublunaire. Et je pense que c'est effectivement important, avec le nombre qu'on est là, que ce soir on puisse aller rejoindre la lutte des Baras, au moins pour un moment, et discuter et continuer la discussion. Là-bas, et au moins savoir un peu plus ce qu'il en est et apporter notre soutien. Sublunaire, quasi extraterrestre, des fois, j'ai l'impression, dans ce que tu racontes, dans le sens où il y a un mépris et un oubli de la praxis, mais qui est sidérant, et on a l'impression de rejouer des vieilles heures de séparation entre les militants qui sont sur le terrain et les intellectuels qui sont sur leur bureau. Le mépris que tu peux avoir sur la poétisation des cabanes. Eh ben ouais, quand tu construis des cabanes avec tes mains, à un moment donné, t'as besoin d'un imaginaire et t'as besoin de poétiser ça plutôt que poétiser d'autres choses qui viennent d'un imaginaire macro et qui nous défonce le cerveau. Quand tu dis pour avoir une scie, il faut que t'ailles à Bricorama, déjà, en général, on les achète pas, on les vole. Mais en plus, il y a plein d'inventions sur les luttes en cours qui fabrique des outils, qui invente des outils, qui invente des manières de faire pour se passer justement du capitalisme. Quand tu dis que l'autonomie est ancrée de manière inamovible dans le local, avec ses petits potagers, ses petits garages autogérés, et qu'à un moment donné, il faudra bien passer par le macro, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est une peur que tu as, qui est tout à fait légitime, cette peur de qu'est-ce qui va se passer le grand soir, comment on va avoir la répétition du même schéma, etc. Mais sauf que tu es en train de nous proposer le même schéma dont justement on essaye de s'exclure et de se dégager depuis des décennies, qui est celui de reprendre les choses en main. Reprendre les choses en main, ça veut dire être sur le terrain. Et être sur le terrain, c'est ce qu'on disait dans les années 90, c'est un mélange de théorie et de vaisselle. Ça veut dire on parle théorie et on fait la vaisselle. Et quand tu parles de division du travail, moi je te le dis clairement, j'aimerais pas être dans ton équipe. J'aimerais pas être dans ton équipe parce que, en fait, la division du travail, on l'a déjà amorcée, en fait. On le fait déjà. On le fait ici. Est-ce que tu vas passer le balai ici? Est-ce que tu vas passer la serpillière ce soir ici qui rend possible ta présence ici? Non, tu vas logiquement pas le faire. Et ça, on le fait, en fait. Et on le fait pourquoi? On le fait pas parce qu'on est des petits cons qui ne pensons qu'au local. Enfin, je veux dire, le penser global, agir local, c'est comme si tu réinventais la poudre. Bien sûr qu'on pense à ça. Bien sûr qu'on se dit qu'à un moment donné, il faudra non pas des nouvelles institutions macro, mais des contre-institutions. Et des contre-institutions, ça veut dire, ça commence ici. Et ça commence quand tu dis abolir la propriété privée, ça ne se fait pas au niveau micro. Ben si, je suis désolé, si. Parce que tu vis dans un squat pendant 6 mois, et ben tu commences à subjectiver qu'est-ce que c'est qu'abolir la propriété privée. Et tu lis plus un bouquin de Marx qui te dit d'abolir la propriété privée. Tu vis ce que c'est que de commencer à abolir la propriété privée. Et ça, tant qu'il n'y a pas ce mélange-là, cette intrication entre une pensée qui peut être fort intéressante, mais non méprisante, s'il te plaît, par rapport à ce que fabriquent les gens sur le terrain, et ce que fabriquent les gens sur le terrain qui pensent pendant qu'ils font, eh ben voilà, là on peut y arriver. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 20 ans, parce qu'on en a marre, justement, des macros et des grands soirs, en fait. Ah, donc tu vois, Nico, hein, la proposition, le thème du grand soir, tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Bon, je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si je peux répondre à cette dernière intervention sans que ma réponse soit vouée à être reçue sur le mode du mépris une fois de plus. Mais très honnêtement, enfin, tu délires proprement ce que j'ai dit. Enfin, je n'ai rien dit de tel. Je n'ai pas, au contraire, ce livre ne cesse d'accréditer la valeur de ces pratiques. Il ne cesse de la dire. Alors moi, je sais pas, tu peux très bien ne pas l'avoir lu, hein, mais là, en l'occurrence, ça serait vraiment préférable. Qu'est-ce que tu veux que je te pose d'autre que ça ? Lis le livre et vois ce qui en est dit de ces pratiques. La parole, c'est important, il n'y a pas que les bouquins. Mais, oui, et bien précisément, ce que j'ai dit ce soir, c'est que je n'ai pas cessé de me défendre de cette lecture-là. Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit d'autre. Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit d'autre que de faire des différences. Par exemple, puisque tu parles des cabanes, que les cabanes, c'est besoin d'un imaginaire pour se soutenir. Mais où ai-je dit ? Quand ai-je dit ? Où ai-je écrit ? Que je prenais les gens qui vivent dans des cabanes pour des rigolos. J'ai dit exactement l'inverse. Qu'est-ce que c'est que cette disposition qui fait entendre ce qui n'est pas dit c'est, et ne pas entendre ce qui est dit ? C'est quand même... C'est tout. Tu n'avais pas faire de la poésie à partir des cabanes. Non ! Je me suis moqué de la poésie de Marielle Massé. Enfin, tu sais faire la différence ? Je fais la différence entre la poésie qui a cours à l'école des hautes études en sciences sociales. Et c'est celle-là qui est mon seul objet. Je veux dire, je sais très bien qu'il faut des imaginaires pour se soutenir dans toutes les pratiques. Il y a, par exemple, Jean-Baptiste Vidalou qui écrit un très beau livre sur être forêt. Bon, moi, je trouve ce livre tout à fait intéressant, admirable, etc. Et il véhicule un imaginaire. Et pour autant, je peux dire, l'être forêt n'est pas l'amorce d'une forme politique au sens où je l'entends. Ce n'est pas une forme politique macroscopique. Alors tu me dis, tu m'accuses d'avoir dit que l'autonomie était rivée dans le local. Mais j'ai dit exactement l'inverse, voyons. L'inverse. J'ai dit que... Tu as dit ça, c'était rivé dans les expériences de garage autogéré. Mais pas du tout. Oui, j'utilisais le mot « rivé ». Mais écoute, mais enfin, c'est... Dit ce soir, mon avis, mais oui, bon, bah, voilà, non, mais c'est hallucinant. J'ai dit que la pratique de l'autonomie avait à être pensée dans l'étagement des échelles et que tout compte. Et ce que j'ai dit, c'est que, en effet, souvent le discours de l'autonomie exclut le global de ce qu'il pense. Et qu'il faut l'y réintégrer. Parce qu'effectivement, le global étant vu comme le domaine des institutions macrosociales, oppressives, aliénantes, etc., on le met à part et on le pose dans un rapport d'antinomie avec la pratique de l'autonomie. Et je dis que cette antinomie est fausse. Voilà ce que je dis. Et qu'il faut en tenir les deux pôles de cette antinomie. C'est ce qu'on fait au quotidien. Tu crois que quand on fait une ZAD ou quand on fait un lieu comme ici, on n'est pas en lien avec les institutions macro ? On passe notre temps à négocier avec elles, à combattre avec elles, à mettre un peu du dehors dans le dedans, à mettre un peu de dedans dans le dehors. On passe notre temps. C'est comme si tu séparais un truc qui n'est pas séparable. Parce que évidemment qu'on vit avec le macro, on ne peut pas s'en séparer. Donc quand on est en lutte, on vit avec le macro et on essaye de faire mieux que ce que nous impose le macro. Oui, donc c'est pas comme si on était séparés du macro dans notre bulle intellectuelle. On est en permanence en lien avec l'institution et on joue avec l'institution et on joue pour essayer d'être le moins possible en prison. Mais on joue avec l'institution en permanence. Mais je le sais bien. Je le sais bien que vous êtes en prise en permanence avec le macro. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est ça qui joue sur le terrain pour la révolution. Mais justement, non, c'est là mon point. Ceci ne suffira pas. C'est ça. Que vous soyez retenu par les tentacules du global. Évidemment. Et alors, en effet, vous chourez la scie chez Bricorama, mais c'est quand même dans le capitalisme qu'elle a été faite. Donc c'est ça une emprise du global sur le local, et tu viens de me l'accorder. Merci. Mais c'est pas ça mon point. Mon point est que l'idée qu'une prolifération de ZAD, d'expérimentation locale, pourrait voudrait dessiner une trajectoire de rupture avec le capitalisme, cette idée-là est fausse. Ce qui, si tu veux bien m'écouter, n'ôte rien à la valeur intrinsèque de ces expérimentations locales. Rien, au contraire. Elles servent les imaginaires. Elles les nourrissent par l'expérimentation. Mais dire que cela suffira pour faire cette trajectoire de sortie du capitalisme, je ne le crois pas. Mais personne ne pense ça. Alors, tu peux... Tu te bats contre des moulins, personne ne pense ça. Personne ne pense qu'en faisant une ZAD, il va abattre le capitalisme le lendemain. Personne. Je me doute que personne, en faisant une ZAD, ne pense abattre le capitalisme. Donc ça, c'est tellement trivial qu'effectivement, ce n'est pas un objet de discussion. La discussion, c'est de savoir si, je le redis, un recouvrement de ZAD fait une forme politique ou pas. Et c'est cela que je ne crois pas. Ce que je crois, c'est qu'il y a quelque chose en propre qui est à penser et à aller élaborer à propos du niveau macroscopique. En plus, du reste, pas à la place, en plus... Si ceci pouvait être clair. Bon, alors. Oui, mais c'est évident que toutes les formes politiques qui se placent sur la sur le niveau macro ont failli depuis 40 années. On répond aux questions qui ont été posées initialement. Ensuite, on verra si on prend une dernière série de questions ou non. Mais si, parce que là, il y en aura visible. Alors, non, mais sauf qu'il y a un conflit d'objectifs. Bon, pardon. Alors, c'est vrai. Vous avez un grave défaut. Vous êtes dans une école de commerce. Rassurez-vous, on peut en réchapper. Moi-même, j'avais pris un itinéraire au début qui n'était pas, qui était pas sensationnel. Alors, évidemment, il faut déflatter toutes les catégories. Il va sans dire que ce qu'on appelle gauche dans une école de commerce est spécial, n'est-ce pas ? Que ça se résume à l'entrepreneuriat social et solidaire, je vous crois volontiers. Effectivement, alors là, pour le coup, c'est de... Je ne sais pas comment dire... Ça, c'est vraiment de la bouillasse idéologique, mais dans toute sa splendeur. Du reste, c'est l'un des surjons d'un thème général par lequel le capitalisme néolibéral essaye de sauver la peau et qui est l'éthique. Vous voyez, l'éthique, alors éthique, ça peut se comprendre de plein de manières différentes. Hein. Mais dans ce type de discours, la régulation des petits excès du capitalisme va se faire par l'éthique. Et si vous voulez, moi je pense que quand on en est à faire hypothèse de la vertu des agents, c'est qu'on est mal parti. Je ne crois pas qu'on construise une politique sur des hypothèses de sainteté et qu'on puisse s'en remettre à ça pour vivre de manière pas trop épouvantable. Or l'entrepreneuriat social et solidaire... C'est quand même, je ne sais pas quoi vous dire, c'est la version ripollinée, modernisée des dames patronesses, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est la politique de la rustine et de l'alibi. Donc non, ça n'a rigoureusement aucune valeur, c'est-à-dire ça laisse totalement inchangés les rapports sociaux fondamentaux dans lesquels nous vivons, alors que... Si quelque chose pouvait contribuer à une définition du mot gauche, ce serait ça. Ça serait cette transformation radicale des rapports sociaux, à commencer par ceux du capitalisme. Bon, vous voyez donc, et là, le compte n'y est pas du tout. Quant à savoir quelle place la race tient dans mes travaux, la réponse est celle du aucune. Je la tiens pour une catégorie nulle et non avenue. Il n'y a pas de race, mais il y a des effets racialisants. Et ça, c'est autre chose. Ils sont intégralement politiques, ça va sans dire. Pardon. Ah oui, excuse-moi. Alors, le collectif... Alors, pourquoi ? Parce que la multitude n'existe pas. Alors ça paraît drôle pour quelqu'un qui n'a que le mot puissance de la multitude à la bouche, mais la multitude dans mon discours est un concept entièrement spéculatif. Qu'est-ce que c'est qu'un concept spéculatif ? C'est un concept qui n'a pas de contrepartie empirique. Donc quand on descend, la multitude c'est pas les gens, c'est pas ça. On ne peut pas s'attendre à rencontrer, ouvrez les guillemets, la multitude en descendant dans la rue, même quand il y a beaucoup de personnes. La multitude, c'est cette espèce de réservoir de puissance générique propre au collectif au sens le plus abstrait du terme. C'est ce que Castoriadis s'appelle, par exemple, le collectif anonyme. Mais concrètement, la multitude n'existe qu'à l'état toujours déjà structuré, institutionnalisé, fragmenté, conflictuel, donc, etc., etc. Or, moi, ce qui m'a toujours contrarié avec la multitude à la Negri, c'est que précisément, elle se donnait comme un concept empirique, comme une catégorie sociologique, avec toute une série d'effets d'homogénéisation subreptice de ce qui est fondamentalement hétérogène, fragmenté et conflictuel. Parce qu'il l'emploie exactement dans cette acception que je viens de dire. Et s'il n'utilise pas le mot institution, et c'est exact, il ne l'utilise pas, ou très peu, c'est parce que j'ai essayé de ne pas faire que relire et décalquer Spinoza, mais de l'adapter à mes propres fins. Et en effet, à partir de sa philosophie politique, j'ai tiré, alors ça c'est mon affaire à moi, une philosophie des institutions sociales, qui n'y était pas. Comme il n'est plus là pour en parler, j'ai de la chance. Merci. On est deux. C'est un travail d'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu, on s'est rendu visible. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous dites que le fait institutionnel est toute manifestation de la puissance du collectif. Pardon, tout fait institutionnel. N'importe quoi, fait institutionnel, toute manifestation de la puissance du collectif, à quel moment vous trouvez que c'est différent du conformisme ? Voilà, tout simplement. Moi, je voudrais revenir sur l'écologie. Vous avez dit que c'est un affect politique qui naît et qu'il va falloir faire avec. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on ne peut faire qu'avec et que considérer que ce n'est qu'un affect politique, qu'il n'y aurait pas des théories écologiques, enfin, d'écologie politique conséquente, enfin... C'est pas du tout ce que vous avez dit, mais à mon avis, quand même, dire qu'on ne va devoir faire qu'avec parce que c'est là et que ça nous donnerait une possibilité de révolution, c'est un peu problématique. Enfin, qu'on est obligé de faire avec et qu'on ne peut pas du tout négliger cette question et qu'en répondant à cette question-là, on va répondre d'une certaine manière à la question de la division du travail et du coup, évidemment, la question est importante de savoir comment on va se réapproprier les moyens de production. Mais du coup, l'écologie politique va vraiment poser la question de quels moyens de production et du coup, en conséquence, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des points morts un petit peu dans votre analyse de ce point de vue. On ne vous donnera pas la parole à toutes et à tous, parce qu'on s'était dit 2 heures et puis vous savez qu'on doit partir après. Je prends 2 interventions encore et on en restera là. Merci. Alors moi j'avais 2 questions. La première c'est parce que j'ai pas très bien compris votre position, premièrement sur la division du travail et le marché. Enfin, je veux pas vous manquer de respect, mais si vous pouvez lire des bouquins toute la journée assis au chaud au CNRS sans vous préoccuper de comment remplir votre assiette, en fait c'est grâce à la division du travail et grâce en partie à la coordination marchande, et c'est une bonne chose en fait, je veux dire. Je préfère que vous passiez votre temps à réfléchir et écrire des bouquins plutôt que vous dépensiez votre temps à réparer votre vélo ou faire pousser vos tomates. Alors qu'est-ce qu'on fait du marché et de la coordination marchande, et puisque vous disiez qu'il fallait la faire reculer, mais est-ce qu'on l'abolit? Mais alors qu'est-ce qu'on met à la place? Est-ce qu'on met un gosse plan? Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et deuxièmement, sur la mise au travail dans une économie post-capitaliste. En gros, qu'est-ce qui fera qu'au lendemain du grand soir, un type se cassera le cul à se lever à 4 heures du matin pour ramasser nos poubelles ? Est-ce que vous plaidez pour l'homme nouveau avec le matraquage des récalcitrants, ou est-ce qu'on en reste au chantage à la survie ? Est-ce qu'on peut se passer du chantage à la survie ? Merci. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors, pardon, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Ah oui, bonsoir à tous. J'aurais une question un petit peu théorique, ou en tout cas philosophico-politique au sens large. Je reviens un petit peu plus en amont de votre intervention, au tout début. Je souhaiterais savoir quels sont les alors je la formule de façon un peu scolaire, mais c'est le principe qu'il faudrait retenir. Quelles sont les différences pour vous, ou pour certains courants de pensée, et les points communs, entre le politique au sens large, c'est-à-dire la vie de la police, P-O-L-I-S, la cité, et la police, P-O-L-I-C-E, au sens de régulation, pas l'individu en képi. Voilà, merci beaucoup. Oui, alors je reprends. À un moment, vous disiez qu'il y avait une différence entre police et politique. Oui. Voilà. Alors, d'où je rebondis sur cette question et peut-être que j'élargis un petit peu votre intervention, élargis au sens, je déborde un peu peut-être sur d'autres points. Quels sont pour vous, ou pour certains courants de pensée, la différence ou les points communs entre, d'une part, le politique, c'est-à-dire l'organisation et la vie de la cité au sens antique, ou police, P-O-L-I-S, et deuxièmement, la police au sens de régulation, au sens large, qu'elle soit police en képi, régulation administrative ou autre, ou régulation sociale. Et voilà. Merci. Alors, je vais essayer d'aller vite, hein, puisque nous sommes requis ailleurs. Je ne parle pas de théorie écologique, en effet, parce que je ne connais pas grand-chose, mais ce n'est pas pour la minimiser. Je veux dire, je suis assez conscient qu'il se passe quelque chose en réalité sur la planète, que ce quelque chose peut être qualifié d'écologique et qu'il ressortit à une théorie écologique que moi je ne connais pas suffisamment bien pour en parler de manière informée, mais la réalité du phénomène en cours, évidemment je n'ignore pas plus que vous, donc moi je me contentais de me livrer à une analyse des possibilités politiques qui sont ouvertes par cette situation et le type d'affect qu'elle est en train d'induire. Alors, sur est-ce que le fait institutionnel, finalement, on ne pourrait pas dire tout simplement que c'est du conformisme? Ma foi, c'est pas faux. C'est pas faux parce que la puissance du collectif, elle se manifeste par un affect commun, précisément. Et cet affect commun, il homogénéise un certain type de manière de se comporter dans tel ou tel domaine, etc. Donc, oui, il y a quelque chose de ça. Le fait institutionnel est fondamentalement un fait normatif. Donc il induit quelque chose qu'on peut bien qualifier de conformisme. Bon, Spinoza lui donne le nom qu'il lui donne, il appelle ça l'obsequium. Alors quant à... c'est pas du tout me manquer de respect, hein, bien au contraire, que de questionner ma place dans la division du travail d'ensemble. Et je dirais même le privilège de ma place dans la division du travail. Si vous croyez que je n'en ai pas l'idée, là par contre vous vous trompez. C'est quelque chose à quoi je pense, mais quasiment quotidiennement. Et à quoi je me suis fait un devoir de penser du moment où je suis rentré au CNRS. J'ai une chance que je mesure jour après jour. Et alors en effet, c'est une chance qui s'agirait de remettre en question au moment où les rapports sociaux de l'ordre actuel seraient refaits. C'est la division du travail principe, disait Marx, c'est celle entre le travail, et sur laquelle il y aurait à revenir, c'est celle entre le travail intellectuel et manuel, ou le travail, dira-t-on, de conception et d'exécution, etc., etc. Bon, bah oui, effectivement. Il me semble que ce privilège qui est le mien actuellement, il n'est pas tenable. Il n'est pas tenable dans la formation sociale post-capitaliste que nous appellerions de nos voeux. Alors à la place de la division du travail capitaliste, que mettre? Alors moi je n'ai que des idées d'emprunt à ce sujet, et je les emprunte à quelqu'un qui est là, c'est Bernard Friot. Alors moi sa proposition, qui est une proposition à caractère macroscopique pour le coup, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, elle me parle particulièrement, précisément parce que je lui trouve pour excellente propriété d'emblée couvrir la division du travail dans sa totalité, à l'échelle macroscopique, mais de la réhabiller avec des rapports sociaux entièrement différents. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est plus la propriété des moyens de production qui commande, c'est plus l'aiguillon de la faim. À la place de l'aiguillon de la faim, il y a ce qu'il appelle le salaire à vie, moyennant tout un tas de malentendus, mais peu importe. Et à la place de l'entreprise, il y a des collectifs de production qui se sont débarrassés de la propriété privée des moyens de production, qui sont rentrés dans la propriété d'usage des moyens de production, et évidemment c'est tout autre chose. Alors maintenant vous me posez une question qui est extrêmement importante, et je me souviens d'ailleurs, je la considère d'autant plus que c'est cette même question que je lui avais posée à Bernard, un jour où nous avions eu un débat. Et je connais, j'ai pas trop de réponses à vous donner en fait. Il y a un problème, voilà, ça fait partie des choses qui restent encore à penser, mais peut-être que lui, il a avancé entre-temps, et vous lirez les choses qu'il a écrites, qui vous donneront peut-être des réponses à ce sujet. Sur police et politique, alors la différence police et politique, c'est la terminologie de Jacques Rancière, hein. c'est pas la mienne. C'est une terminologie qui vaut ce qu'elle vaut, comme toutes les conventions terminologiques. Quant à la différence entre la police IS, la cité, et la police avec des képis variés, la police PICE est l'une des composantes institutionnelles de la police IS. Effectivement, au risque de prendre beaucoup de monde à rebrousse-poil, je pense qu'on ne vit pas sans police, c'est-à-dire sans une forme ou une autre de police. Et que les formes que ça peut prendre, la police, sont extrêmement variées. C'est tellement varié que des fois, évidemment, bien sûr, ça ressurgit sous des formes tout à fait imprévisibles ou méconnaissables, etc. Il y a, je me contente de dire ça, il y a une série de collectifs qui ont fait un texte à l'occasion d'Extinction Rébellion, de l'occupation sur la place du Châtelet, qui était une adresse aussi empreinte de sympathie que possible, mais qui ne voulait pas non plus faire passer sous le tapis ses propres critiques, et qui s'en prenait à cette idée, il est vrai, un peu. Enfin bon, quand on est dans une zone extinction-rébellion, on ne peut pas boire, on ne peut pas fumer un pétard, etc. Et que si jamais on s'y avise, on a des gens qui vous viennent dessus et qui vous retirent la chope de la main. Et le texte disait, bon ben voilà, il y avait de la police à Extinction Rébellion. C'est vous dire à quelle vitesse ça se reconstitue. Mais en réalité, de la police ou de la police-justice, il y en a même dans les expérimentations politiques qui sont en notre faveur, sous la condition minimale qu'on n'en opère pas le déni. D'ailleurs, Nico, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui en a parlé, il y a de la police-justice au Chiapas, il y a de la police-justice au Rojava, et bon, ça a toujours été un point de différent avec Eric Azan, par exemple, qui lui, enfin varie un peu sur ces questions d'ailleurs, mais qui parfois soutenait que il avait en tête des cas où on vivait très bien sans police. Mais je crois que c'est une question très très épineuse, voilà. Et ça n'ôte pas d'ailleurs de dire que, là pour le coup, ça sera un point d'accord général assez simple à tenir, que la nôtre nous fait vraiment horreur. C'est ça. La nôtre nous fait vraiment horreur. Bien, merci pour ces deux heures de débat, de discussion, d'échange. Merci à toutes et à tous.